l'azur. De l'éternel azur, la sereine ironie accable, belle indolemment comme les fleurs, le poète impuissant qui maudit son génie à travers un désert stérile de douleur. Fuyant, les yeux fermés, je le sens qui regarde, avec l'intensité d'un remords atterrant, mon âme vide. Où fuir? Et quelle nuit hagarde jeter, lambeau, jeter sur ce mépris navrant? Brouillard, montez, versez vos cendres monotones, avec de longs haillons de brume dans les cieux, qui noiera le marais livide des automnes, et bâtissez un grand plafond silencieux. Et toi, sors des étangs létéens, et ramasse en t'en venant la vase et les pâles roseaux, cher ennui, pour boucher, d'une main jamais lasse, les grands trous bleus que font méchamment les oiseaux. Encore, que sans répit les tristes cheminées fument, et que, de suie, une errante prison éteigne dans l'horreur de ses noires traînées, le soleil se mourant, jaunâtre à l'horizon. Le ciel est mort. Vers toi, j'accours. Donne, ô matière, l'oubli de l'idéal cruel et du péché à ce martyr qui vient partager la litière où le bétail heureux des hommes est couché. Car j'y veux, puisqu'enfin, ma cervelle vidée, comme le pot de phare gisant au pied d'un mur, n'a plus l'art d'attifer la sanglotante idée, lugubrement bâillé vers un trépas obscur. En vain, l'azur triomphe, et je l'entends qui chante dans les cloches. Mon âme, il se fait voix pour plus nous faire peur avec sa victoire méchante, et du métal vivant sort en bleus angélus. Il roule par la brume, ancien, et traverse ta native agonie, ainsi qu'un glaive sûr. Où fuir dans la révolte inutile et perverse? Je suis hanté. L'azur, l'azur, l'azur, l'azur.